fraîche. Faire confiance à l'heure où les conflits éclatent, où la guerre frappe, même mon pays m'inspire que de la méfiance. Un flingue dans un landau, un flic sans expérience, une balle perdue et c'est le drame. On parlera toujours malchance. Qui veut le monopole, devine ces fils de chiens. Fuck leur protocole et leur combine qui nous formate malsain. Au sein du monde moderne se cachent des pachydermes. Ils ont tout fait pour diviser l'être à l'épiderme. Différente, qui marche droit dans l'indifférence, qui prétend avoir la foi jusqu'au-delà de ses tolérances. Qui dit vrai, soit sincère, quel homme est exemplaire. Y'a que devant le problème qu'on voit la profondeur des caractères. Qui s'échappe, qui subit sa peine, qui laisse droit sur la route, qui me suit même, y'a pas sans vrai, qui me donne de l'amour. J'entends l'écho et dans mon crâne, je suis pas seul, je l'avoue. Qui respire dans la foule, quels sont nos douches, le l'œuf ou la poule. Qui s'échappe, qui subit sa peine, qui laisse droit sur la route, qui me suit même, y'a pas sans vrai, qui me donne de l'amour. J'entends l'écho et dans mon crâne, je suis pas seul, je l'avoue. Qui respire dans la foule, quels sont nos douches, le l'œuf ou la poule. Qui était là quand je tuais mes rêves à coups de fleurs tropicales. Je profite calmement des petits bonheurs que la vie m'offre, qui m'attend du lendemain quand je morfle. Endormi dans les bras de Morphée, mon décor fait que si je reste là-bas, je crois que je sors faible. On m'a dit sois fiable et rends ta meute fière de toi. J'ai des envies de soif phare pour compenser ma perte de voix. Un père se doit de parler à son fils avant que les vices le voient. Les crises de foi me prennent pendant que je m'hérisse le poil. Bref, qui me suit quand y'a mon étoile qui me fuit. Qui me dit que je plane comme un frisbee. Relation en bisbee pour une histoire de bisbis. Au fond, je suis le seul capable de faire les choses à ma guise. Qui s'échappe, qui subit sa peine, qui laisse droit sur la route, qui me suit même, y'a pas sans vrai, qui me donne de la. J'entends l'écho et dans mon crâne, je suis pas seul, je l'avoue. Qui respire dans la foule, quels sont nos douches, le l'œuf ou la poule. Qui s'échappe, qui subit sa peine, qui laisse droit sur la route, qui me suit même, y'a pas sans vrai, qui me donne de l'amour. J'entends l'écho et dans mon crâne, je suis pas seul, je l'avoue. Qui respire dans la foule, quels sont nos douches, le l'œuf ou la poule. C'est qui là, qui l'âme qui rappe sous tequila. On serre le kimono, je leur laisse la petite monnaie. C'est qui a parlé dans mon dos, je préfère en rigoler. Lequel a menti, qui met la main dans le manteau. Moi je suis pas ton petit, sur ton cercueil c'est le coup de marteau. C'est qui déboule sans invite. C'est qui le fils de pute qui fait payer pour un feed. Qui tient sa vie par un fil, qui te bourre le crâne aux infos. C'est qui a le cancer, la chimio, subit les douleurs que ça inflige. Au commissariat, qui c'est qui a une fiche. Au McDo, c'est lequel qui prend, filé aux fiches. C'est qui apprend à dealer aux petits. Si tu perds ton portefeuille, c'est qui va le refiler aux fiches. Qui s'échappe, qui subit sa peine, qui laisse droit sur la route, qui me suit même, y'a pas sans vrai, qui me donne de l'amour. J'entends l'écho et dans mon crâne, je suis pas seul, je l'avoue. Qui respire dans la foule, quels sont nos douches, le l'œuf ou la poule. Qui s'échappe, qui subit sa peine, qui laisse droit sur la route, qui me suit même, y'a pas sans vrai, qui me donne de l'amour. J'entends l'écho et dans mon crâne, je suis pas seul, je l'avoue. Qui respire dans la foule, quels sont nos douches, le l'œuf ou la poule. C'est qui le con qui croit que t'en es, qui sait qu'on prend dans le nez. C'est qui les rythmiques sans qu'elle s'en remette. Qui sait qui prend Hussein sur 100 mètres. Dur de savoir qui c'est qui l'arsène quand on erre à 100 sur une scène. On s'agit face à des milliers de questions, j'élargis les conséquences, le poids de mes opinions. Ensemble, nous serons plus forts avec les poings serrés. Qu'on fusionne, qu'on rassemble nos efforts, peu importe qui tu es. La vie c'est clou et on se fait buter même par qui. Et quand je monterai dans les yeux, je voudrais ma place de parking. Je fais un débarque, qui sonne l'alerte comme la Parkinson. Je démarre mon écriture et les consignes grâce aux consonnes. Qui s'échappe, qui subit sa peine, qui laisse droit sur la route, qui me suit même, y'a pas sans vrai, qui me donne de l'amour. J'entends l'écho et dans mon crâne, je suis pas seul, je l'avoue. Qui respire dans la